présente, je m'appelle Abdel Moudjib. Je m'appelle Aubin. Je m'appelle Abdel Karim. Je m'appelle Ilyes. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelles sont les activités de la crèche? C'est Madame Banza. On accueille les enfants de 8, des 0, bon 0 c'est trop dire, hein, de 3 ans et de 3 mois à 3 ans, 4 ans à peu près deux fois. 3 ans normalement, mais ça peut aller jusqu'à 4 ans. Donc on les accueille du matin jusqu'à... La crèche est ouverte de 9h, non, de 8h jusqu'à 18h. Donc nous passons toute la journée... En premier, on accueille les enfants, c'est les parents qui les déposent forcément. Alors, on demande comment ils ont passé la nuit pour qu'on sache, pour s'occuper des enfants tout au long de la journée. Parce qu'ils passent toute leur journée à la crèche. Et du coup, tout ce qui est repas, on joue avec eux. Comme vous voyez, ils sont dans la salle de jeu. Et si on les trouve fatigués, on les met à la sieste. Donc, c'est un peu tout ça. Mais sinon, ça se passe bien. Et depuis combien de temps êtes-vous là dans ce quartier? La Luciole existe plus de 20 ans, mais moi je suis là, ça fait que à peu près 6 ans que je travaille ici. Oui. Mais sinon, ça fait plus de 20 ans qu'on est là, hein. La crèche existe. Moi je suis là depuis 9 ans. Qu'avez-vous pensé de la construction du nouveau collège? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour le quartier? Ah oui, forcément, parce que déjà de l'extérieur, je suis jamais entrée, mais de l'extérieur déjà, je vois que c'était une bonne chose, quoi. Et après, ça apporte toujours quelque chose aussi dans les quartiers, du fait qu'on voit quand même le jeune y aller. Et puis moi, comme je viens en transport en commun, je passe tous les jours le matin, tout comme le soir devant les collèges. Ça va, c'est une bonne chose que le collège soit là. Mais c'est vrai qu'un collège dans un quartier, ça ramène toujours des familles, du monde. Et c'est très bien, ça repositive le quartier tout à fait. Est-ce que vous regrettez quelque chose qui n'existerait plus aujourd'hui? Ça rajoute quelque chose dans le quartier, du fait que le collège soit là, Aldi aussi à côté. C'est déjà bien pour les familles qui sont tout autour. Ouais. Est-ce que... la proximité du collège a changé quelque chose dans votre fonctionnement? Est-ce que vous avez plus de relations avec le collège qu'avant? Forcément, de relations, il y a un comité de quartier qui est créé et donc la directrice se rend à ce comité de quartier pour savoir justement ce qui est fait pour toutes les structures qui existent. Mais après, je ne sais pas si pour nous, même en tant que crèche, je ne pense pas que ça a changé quelque chose. Mais après, on connaît quand même le grand frère, le grande sœur des enfants qui sont ici, qui sont au collège. Parce que des fois, moi, je les croise en venant. Donc, c'est plus pratique pour les parents. Oui, c'est plus pratique aussi pour les parents, au moins, qui savent qu'il y a le petit frère à la crèche et le grand est à côté aussi. Ça leur permet au moins de s'organiser aussi, les parents. Pour déposer, récupérer les enfants. Est-ce que vous voyez plus de collégiens qu'avant? Est-ce que les familles sont contentes de ce nouveau collège? Oui, il y a les familles qui sont contentes parce que comme je venais de dire tout à l'heure, on accueille les plus petits. Donc moi-même, je croise le grande sœur, le grand frère de foi. Donc forcément, les parents doivent être contents parce que la conduite à l'école, en crèche, ça leur facilite la vie, quoi. Parce que s'il faut courir de gauche à droite dans des sens opposés, or là, c'est sur la même avenue. Donc pour les parents, c'est mieux, oui. Est-ce que vous aimeriez voir d'autres choses? Un collège. C'est mieux les collèges, hein, je trouve. En plus, comme j'avais dit auparavant, juste avoir l'extérieur, personnellement, ça me plaît. J'aimerais bien aussi entrer visiter à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est mieux que le collège soit là. C'est mieux, ouais. Là où il est, je trouve que ça va. Là, je ne sais pas. Tu ne sais même pas. Je pense qu'il y a une position stratégique du collège qui est bien. Ça permet d'éviter les déplacements et de ramener du monde dans le quartier, je pense. Ouais, ça fait revivre aussi les quartiers. Ça aurait été moins intéressant de mettre des commerces ou des ventes de vêtements. Ou... Voilà. Moi, il y a eu une maman d'un enfant qui nous a en parlé, mais j'ai oublié, elle nous a précisé que l'arbre est là, ça fait des années et tout. C'est ça, ils ont laissé oui, c'est ça. Ça fait, il y a une maman qui nous a en parlé, mais après, c'est ce que je venais de dire, j'aimerais aussi un jour rentrer voir un peu. Merci de votre compréhension et de nous avoir laissé du temps. Merci, c'est gentil. Bon courage. Merci, je vous remercie également.